le public vieux, le public jeune, y a plein de sous-publics. Et donc, au lieu de penser à public massif et donc de faire massivement uniquement les 3 ou 4 grands sports spectaculaires, on va arriver quels sont les besoins sociétals pour que dans notre région ça aille un petit peu mieux et donc que la télé soit au service d'essayer d'améliorer cela. Alors vous allez dire, oui, alors télévision d'État, hein, c'est les hommes qui vont dire, on veut que la RTBF fasse ci, ça, ça, ça, pour que... Oui, mais est-ce que si c'est bien fait, c'est pas une bonne chose? Et alors moi, à titre personnel, je pense plus loin et j'y réfléchis, mais ça, ce sont que des idées personnelles. Je crois que tous les 5 ans, quand il y a le contrat de gestion qui se négocie, donc tous les 5 ans, les hommes politiques décident ce que la RTBF doit faire et doivent signer un accord ensemble. Cet accord va être signé dans les semaines qui viennent parce qu'il y aura un nouveau contrat de gestion le 1er janvier prochain, le 1er janvier 2019. Et donc, c'est dans ce contrat qui fait une 50aine de pages, hein, c'est pas 2-3 pages, est écrit tout ce que doit faire la RTBF. Et en fonction de ça, ils ont pour les 80% de la dotation pour le moment. Au moment où il y a 100%, moi je trouve que les hommes politiques devraient, puisqu'ils sont élus, donc ils nous représentent, donc ils ont un pouvoir et un devoir, selon moi, je trouve que dans la négociation, ils devraient décider, pour les 5 ans qui viennent, quels sont les sous-publics importants qu'on doit davantage favoriser dans la conception de tous les programmes de la RTBF. Par exemple, ben justement, quand il y a si longtemps, il y avait l'affaire du trou, c'est normal qu'on aurait pensé à mettre des trucs qu'il faudrait faire dans les 5 ans qui viennent, plus de choses par rapport aux enfants, ou plus de choses pour éviter l'exploitation des enfants. Enfin, par exemple, je veux dire. Il est clair que si un contrat de gestion maintenant, il y en a un, mais je crains que l'homme politique ne soit pas très courageux, dans un contrat de gestion où on serait dans cette situation sans pub, il est clair que le réchauffement climatique qui va s'accélérer, on doit se dire, dans les choix des populations privilégiées qu'on veut toucher, est-ce qu'on doit donner 10% au sport ou plutôt 5% au sport des émissions, parce qu'il faut mettre 5% pour tout ce qui est prévention, consommation inutile, etc. Donc, vous voyez, l'homme politique serait face à des choix de sélection de sous-publics et aussi en voyant comment les autres chaînes ne parlent pas de tous ces sujets qui concernent ces gens-là. Et donc, ça change complètement l'objectif du contenu de ce qu'on y présenterait. Je ne veux pas dire que ça le rend moins attrayant, parce que dans tout choix, ça peut être terriblement attrayant. Donc il y aura toujours du sport, mais ce sera peut-être plus de la même façon que maintenant, mais ce sera peut-être plus égalitaire pour l'ensemble de la population. Je m'égare, là. Ça va, t'es encore prêt? Boire, hein, bois un petit coup. C'est cher. Mais moi, j'ai l'impression qu'en tant que chaîne nationale, on ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas tout faire en même temps. Et donc l'objectif d'une chaîne nationale, c'est quand même de toucher le gros du public. Et donc on ne peut pas faire et du sport et des programmes de prévention. T'as dit le contraire, hein? Non, j'ai pas dit le contraire. J'ai parlé du foot, justement. Non, mais je veux dire, j'ai l'impression que Bernard dit l'inverse de ce que tu dis. Hein, Ah non, non, justement, vous parliez du fait que des sous-programmes qui devaient toucher des minorités. Et ouais, moi, je suis pas d'accord avec ça. Enfin, c'est pas possible. En tant que chaîne nationale, on peut pas plaire à tout le monde. Le but, c'est quand même de toucher le plus gros du public possible et pas de se répartir dans plein de trucs différents parce qu'on perd à chaque fois du public. Mais oui. Mais il te dit, il t'explique. Enfin, voilà. Réexplique simplement. D'abord, on peut ne pas être d'accord. Et on est tous les deux aussi estimables. Mais... Est-ce que tu as compris ce qu'il voulait? Oui. Non, mais moi, je dis, au lieu d'avoir quelques émissions phares où tu as des centaines de milliers de personnes, et alors, sur la 3, c'est parfois 15, 20 000 personnes pour un programme. Hein. Parfois, sur la 3... On ne sait pas dire combien est téléspectateur, tellement qu'il y en a peu dans les audiences. Hein. Donc on est dans cette situation-là. Moi, je préfère plutôt atteindre la même somme que l'ensemble de ces énormes et ces peu, avec plein de publics moyens, puisque de toute façon, sous RTL, le public des 300-400 000 sera rassasié et ira là. Parce que pour le moment, tu as à la RTBF et sous RTL TVI ces publics massifiants, hyper massifiés ou massifiants qui sont servis, mais tu as surtout les besoins plus limités, aucune chaîne qui le fait. Donc si tu préfères effectivement qu'il y ait plus de monde, moi je préfère qu'il y ait moins de monde qui n'ait rien. Parce que sinon, ben, supprimons la RTBF et mettrons tout l'argent de la dotation pour financer la culture et le sport. Hein. Puisque RTL fait la même chose que la RTBF. Ça ne sert à rien d'avoir deux créneaux. En plus, ils doivent se couper en deux le public s'ils font la même chose. Donc, moi, je crois que... Et je ne crois pas que faisant ça, la RTBF aura globalement moins de public. Il y a toute une série d'a priori. Hein. Je vous rappelle que pendant des tas d'années, on n'a jamais dit qu'on pourrait mettre des captations de pièces de théâtre en direct au prime time. Pendant 10 ans, on a dit que c'était impossible. Et puis France 2 l'a fait, et puis maintenant la RTBF l'a fait aussi. Et RTL commence à le faire de temps en temps aussi. Donc, en fait, ce qu'on disait qui n'attire jamais, il n'y aura jamais de public, quelqu'un a le courage de le faire et on voit que le public suit. Donc, toutes ces personnes qui disent « Oui, mais ce que tu fais, ce que tu proposes, si on fait ça, il n'y aura jamais personne », ces gens-là, ils sont dans leur petit univers de spécialistes cyniques et ils ne savent pas du tout quels sont les vrais besoins de la population. Et eux, leur seule chose, c'est de dire « Continuons la même chose, ne prenons pas de risques ». Mais on voit qu'en prenant des risques, eh bien, il y a en France des centaines de milliers de personnes qui regardent au prime time du théâtre. On aurait dit il y a peu, jamais on va consacrer sur une très grande chaîne de services publics une émission politique en semaine de 21h à 1h du matin. Eh bien, c'est ce qui se passe en France et ça a un succès énorme maintenant sur France 2. Donc, en fait... Le manque de courage et vouloir toujours faire la même chose fait croire finalement à la majorité que le public n'est pas curieux, etc., alors qu'il peut l'être, qu'il ne change pas ses habitudes. On voit par les deux exemples qu'il change ses habitudes. Et en fin de parcours, heureusement qu'il y ait eu quelques courageux qui ont fait ça, parce que sinon, les gens qui aiment le théâtre n'en auraient pas. Ceux qui aiment des vraies émissions politiques en soirée et non pas en deuxième partie de soirée, eh bien, ils n'en auraient pas. Donc, heureusement qu'il y a des gens courageux et qu'il n'y a pas toujours ces grands cyniques qui croient que le public est con parce qu'ils ne lui ont jamais donné la possibilité de découvrir d'autres choses. Je ne sais pas si c'est un début de réponse, mais je n'avais pas répondu à lui. Répondu à qui ? Celui à lunettes. Si. Si, il me semble que oui. Par rapport à... Si, il me semble qu'il a répondu. Non ? Non, mais c'est-à-dire que maintenant, en vous écoutant, je comprends bien, mais encore une fois, je me demande, est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait simplement faire une programmation proportionnelle par rapport donc au financement, tout simplement, plutôt que juste interdire la pub ? Mais je pense que non, donc c'est une hypothèse, hein, mais le passé le montre. On a bien vu que la RTBF n'ayant que 15 à 20% de pub, consacre toute son énergie pour avoir de la pub et de moins en moins d'énergie pour faire les émissions. Mais pourquoi c'est pas possible ? Si c'était aussi difficile d'avoir la dotation, les 80%, que c'est difficile d'avoir la pub, alors oui. Mais comme la dotation, ils l'ont de toute façon pour les 5 ans qui viennent, ils doivent faire aucun effort. Donc, s'ils n'arrivent qu'à 18% de pub alors qu'ils doivent en avoir 20, et dans leur tête, il faut les 20, mais ils se disent, mais de toute façon, j'ai la dotation, donc je vais mettre plus d'énergie pour la pub. Et donc, ils sont dans ce casse-tête continuel. Et donc, on va vers le fait que la plus grande énergie... Et alors, aussi, ça se fait sur 15-20 ans, ce genre de choses. Donc maintenant, toute la nouvelle génération, les gens de votre âge qui commencent à travailler à la RTBF, ils sont dans une mentalité RTL, quasiment. Ils ne sont plus du tout dans une mentalité service public. Les études universitaires ne font plus la différence. On passe facilement de l'un à l'autre. Avant, ce n'était pas le cas. Le service public, c'était totalement différent. C'est un autre métier, en fait. Parce qu'il ne suffit pas de faire sur des sujets, d'autres sujets des émissions. Il faut trouver comment toucher le public sur ces autres émissions, etc. C'est tout un travail artisanal qui n'existe plus. Et donc, le problème, c'est que maintenant, la direction de la RTBF, petit à petit, sont devenus des gens qui cherchent de la pub, en gros, à 80% de leur temps, ou cherchent des programmes qui permettraient de développer et le plus d'audience et concurrence à RTL. Donc, ils sont à 80% là-dedans, alors que pour moi, ils devraient être à 20%. Mais comme la dotation, ils la reçoivent de toute façon, et comme je dis, ils ont difficile à avoir la pub, ils sont immanquablement obligés d'aller dans ce sens-là. Donc on ne peut pas leur en vouloir. Je n'en veux pas du tout à la direction. Elle est mise par le monde politique dans cette situation-là. Et quand même, il faut quand même rappeler qu'il n'y a pas de pub après 20 heures sur France Télévisions, France 3, etc. Il n'y a pas de pub sur la BBC. On a supprimé la pub sur le service public en Espagne. Il y a toute une série d'exemples. Il n'y a pas que la BBC. Hein. Et quand je demande généralement à des auditoires de nous dire dans quel pays il n'y a pas de pub en télé, il n'y a jamais personne dans l'auditoire qui me dit la partie flamande du pays. Donc dans notre propre pays, la VRT en télévision n'a pas de pub depuis toujours. Et donc on en est au stade où on ne sait même pas, nous francophones, que dans le pays où nous habitons, plus de la moitié des habitants du pays n'ont pas de pub en télé sur le service public. Comment ça se fait que ça... J'arrive vers toi. Comment ça se fait que ça, les gens ne le savent même pas? Mais parce que... On ne s'intéresse plus à ces choses-là. Parce que toute la presse a toujours parlé que de la BBC, on ne parle que de la BBC, etc., comme exemple. Et comme généralement les francophones ne savent pas... La majorité des francophones ne savent pas ce qui se passe en Flandre, voilà. La presse écrite en parle très peu. Mais moi, je citais tous ces pays pour dire que ce n'est pas totalement exceptionnel. Et alors, je termine là-dessus. Vous savez sans doute qu'il y a eu quand même un très grand événement il y a 5-6 mois en Suisse, donc quand même un pays francophone européen, où le public a exigé de faire une votation. Et donc, c'est essentiellement des jeunes de tendance libérale qui ont rassemblé plusieurs dizaines de milliers de signatures pour pouvoir faire donc un référendum sur un sujet précis, parce que là-bas, ça se passe comme ça. Et donc, ils ont demandé que la télévision radio de service public suisse n'ait plus de dotation, donc devienne tout à fait commerciale. Donc, supprimez-la. Et donc, pendant 4-5 mois, le temps que se prépare ce vote, les gens se sont dit c'est la mort du service public. Et le résultat a été tout à fait étonnant. Je peux vous donner les chiffres. Je dois aller jusque-là. C'est 72% de gens qui ont voulu payer, de continuer à payer donc l'impôt pour que la télévision suisse soit un service public. 72%, ce qui est énorme. Et il faut savoir que là, ils payent un impôt pour financer la radio et la télé de service public qui est 10 fois plus important que ce que nous, on paye par rapport à la RTBF. 10 fois plus important. Donc c'est une somme énorme. Et donc on voit un attachement au service public là. Et l'une des conséquences de ça, ça s'est passé il y a 6 mois. Pour le moment, ils ont de la pub sur ces chaînes. Mais là, je vous montrais l'intention du public qui est prêt à payer pour que ça s'améliore et qui ne veut pas qu'on vende au privé le service public. Mais en plus, là, il va y avoir des grands changements sur la télévision suisse romande. Et dès le 1er janvier, maintenant, qui va arriver, ils vont supprimer, par exemple, la coupure par de la pub des films, par exemple. Donc, ils sont dans toute une... Et le patron de la radio-télévision suisse romande, dans un long entretien qui est paru dans l'Obs il y a 2-3 mois, disait ce qui est vraiment l'inverse de tout ce qu'on pense à la direction de l'RTBF. Il voulait deux choses suite à tout ça. C'est que d'abord que le public soit beaucoup plus consulté, qu'il y ait une médiation du public, que le public puisse donner son avis sur les programmes, etc., à l'antenne, beaucoup plus qu'ici. Ici, ils font tout pour que les émissions de médiation n'existent plus. Donc c'est le système inverse, mais c'est pour montrer que ce système peut exister. Et la deuxième chose très importante, il dit, c'est tout à fait vieux maintenant de penser uniquement audimat, donc combien le maximum de public, exactement ce qu'on disait là. Nous nous rendons compte que c'est vraiment très vieux parce qu'il y a de l'évolution d'Internet, etc. Les gens sont plus exigeants par rapport aux services publics, etc. Et donc nous allons vers ne plus donner énormément de moyens aux émissions le plus voulues. Donc c'est ça l'audimat. Plus elles sont voulues, plus on donne de moyens, plus elles sont voulues. Mais de donner plus de moyens aux émissions que le public dit qu'il apprécie. Parce que l'audimat, le public ne dit pas qu'il apprécie, il regarde et il peut ne pas aimer du tout. Quand vous prenez un programme, une fois sur deux, vous n'avez pas aimé ce que vous avez vu, vous avez des critiques. L'audimat ne donne pas ça, tandis que le calimat donne ça, justement. Combien de personnes ont aimé, ce qui n'est pas du tout la même chose. Voilà, donc ça c'est pour tous les autres pays qui montrent que ce n'est pas inimaginable d'évoluer chez nous aussi. Tu es prêt à prendre encore une question là ? Oui. Oh. Ça va vite, hein ? Oui, dernière question. Et puis mais ce qui est dommage, c'est que c'est toujours les mêmes. Les autres, vous n'avez rien à dire ? Moi j'aime bien quand il y a tout le monde qui parle. Du coup, sur ces chaînes qui ont supprimé les pubs, etc., est-ce qu'il y a eu un changement effectif du contenu et qui peut être comparable à ce que vous souhaitez sur la RTBF ou pas ? C'est le quatrième point, j'avais dit que la deuxième partie avait quatre points. Donc, on la reprend au quatrième point. Et donc, en fait, avant de passer à la deuxième partie, je vais vous faire passer une feuille, comme ça vous avez le temps. Moi, j'ai une newsletter que j'envoie tous les mois, depuis 20 ans, à plus de 15 000 personnes. Et donc, c'est surtout les droits du public en culture et en médias chez nous. Et donc, si vous avez envie de recevoir cette newsletter mensuelle qui est gratuite et vous vous désabonnez quand vous voulez, donc la prochaine paraît justement demain soir. Donc, voilà. Donc, je fais passer une liste. Alors, mettez avec des majuscules pour qu'on puisse bien lire et mettez bien les points ou les petits traits en haut ou en bas. Mettez-les bien pour qu'on... que l'adresse que je vais taper soit la bonne. Donc, je vous ferai un message uniquement pour vous, pas pour les 15 000 personnes, mais uniquement pour vous, quand l'émission passera et où vous pourrez la découvrir par ailleurs. Donc, c'est le relais entre nous. Et si vous avez des questions à me poser, vous pouvez... Voilà, on sait agir. Donc, et je vous... Tant que je suis à ce niveau-là... Voilà, ça c'est le quatrième livre que j'ai écrit sur la RTBF. Donc vous voyez un petit peu le genre de travail que je fais. Voilà. Je ne cherche pas à le vendre. Mais si vous voulez l'acheter, vous pouvez, mais ce n'est pas mon but. Et donc, on va passer à la deuxième partie, mais justement pour la deuxième partie, il y a encore une chose. Vous voyez que le sujet n'est pas insensible, parce que je comptais consacrer un quart d'heure à ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc la deuxième partie qui est la plus longue, il faut la resserrer. Mais ce n'est pas grave. On va travailler comme si on était à l'école. je vous avais dit qu'il y avait quatre points. Eh bien, vous avez les quatre points. Alors moi, je vous propose de lire et suivez-le. Comme ça, vous comprendrez tout ce que j'avais à dire. Et puis, après chaque point... Ou à la fin, parce qu'on va être pris par le temps, notez sous votre feuille les questions que vous avez éventuellement à poser après chaque point, et comme ça on termine par les questions. Alors ceci, c'est quand les hommes politiques, parce qu'alors tous les hommes politiques disent « Ah mais oui, on est bien sûr pour supprimer la pub à l'RTBF, mais c'est pas possible, parce qu'on n'a pas d'argent pour mettre les 20% qui vont manquer ». Et donc, tous les hommes politiques sont pour la suppression de la pub à la RTBF. Enfin, généralement, ils mentent, hein, mais dans ce cas-là. Mais donc, le vrai débat, c'est si on supprime la pub, par quoi on remplace les 20% manquants ? Est-ce qu'il faut remplacer les 20% manquants ? Et donc, par rapport à ça, il y a une série de réflexions qui viennent pour finalement empêcher qu'on supprime la pub à la RTBF. Et donc, c'est ces quatre réflexions qui sont présentées ici. Et à chaque fois, donc, en gras, vous avez comment les pro-publicitaires réagissent sur le côté financement. Et vous avez en dessous ma réponse à eux pour vous dire qu'ils ont tout faux. Et alors, à vous de voir dans quel camp vous vous mettez. Donc, le premier point, c'est les pro-publicitaires de la RTBF me disent « Supprimer la pub à la RTBF, c'est la tuer financièrement. Voilà, » ça, c'est le premier grand sujet. Alors, une critique entendue régulièrement, c'est « Avec cette demande de supprimer la publicité, vous, les utopistes irresponsables, vous voulez la faillite financière de la RTBF. Vous êtes pire que ceux qui veulent petit à petit supprimer le service public. » C'est un argument valable. Mais alors, à ça, en réponse à ce procès d'intention, là, je vous détaille une carte blanche qui a été publiée dans Le Soir, il y a 9 ans déjà, et qui, pour moi, garde tout son intérêt. Elle garde son intérêt parce que, d'une part, elle a été publiée dans Le Soir, ce qui n'est pas rien, mais elle était signée par plusieurs personnes, donc notamment par Jean Cornille, qui était un député fédéral PS, alors que le PS est pour le maintien de la pub. Donc c'était étonnant d'avoir un PS qui aille dans le sens inverse. Il y avait la responsable d'Inter Environnement pour le côté citoyen. Il y avait un ancien patron de la RTBF, donc l'ancien vice-président du conseil d'administration de la RTBF. Et il y avait moi-même, comme ça vous avez mon nom, il y avait moi-même, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, où j'ai 4900 amis et je donne plein d'infos. D'ailleurs, j'y annonce aujourd'hui que je suis ici, etc. Et donc, ces quatre personnes qui sont vraiment des univers très, très variés, disaient dans cette carte blanche, qui s'appelait, que le titre c'était un peu étonnant, « La publicité coûte à la RTBF ». Et donc, la recherche de la pub et sa mise à l'antenne ne sont pas gratuites. Donc, quand on supprime la pub, eh bien, on fait toute une série de bénéfices dans le personnel et dans tout le travail de recherche et puis tout le travail de créer les pubs, etc., et de les organiser à l'antenne. C'est une économie qu'on ne peut pas sous-estimer. Donc, dans le côté gain qu'il y aurait, il faut mettre cela. Il y a un deuxième point qu'il faut mettre donc pour trouver des contre-financements. La RTBF devra également redéfinir ses missions, ses programmes et ses publics prioritaires. Ça, on en a beaucoup parlé maintenant. Il faudra donc estimer l'économie réalisée par la suppression d'émissions souvent coûteuses qui n'ont rien d'un service public. Par exemple, l'émission qui coûte la plus chère à la RTBF, c'est The Voice. Pour moi, The Voice n'est pas une émission de service public. Mais par contre, je peux le même dire à titre personnel, je regarde The Voice sur TF1. Pour moi, The Voice est une émission typique de chaîne privée et j'ai plaisir, moi, à regarder aussi des programmes de chaîne privée. Mais vu le prix qu'elle coûte et le type de public précis qu'elle touche, je trouve que ce n'est pas une priorité de la RTBF, alors que c'est sa dépense la plus forte qu'elle a pour le moment. Simplement parce que c'était extrêmement attrayant pour la publicité et aussi pour le placement de produits, puisque dans cette émission, on voit des marques qui payent pour être dans l'émission. Troisième point pour trouver d'autres financements, pourquoi ne pas demander également si la RTBF devra continuer de participer au financement du CIM, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, dont l'objectif est de recueillir des données audimatiques souvent controversées afin de fixer la tarification publicitaire. Et donc moi je suis, quand il n'y aura plus, pour un calimat, et le calimat se fait 2-3 fois par an. Actuellement la RTBF fait un calimat, hein. mais elle n'en diffuse pas les résultats. Et dans le contrat de gestion, il n'est même pas prévu que les parlementaires reçoivent le détail du Calimat. Les parlementaires reçoivent uniquement un résumé des résultats du Calimat fait par l'RTBF. Et donc, elle met ce qu'elle a envie de ces résultats. Donc, les parlementaires n'ont même pas une vue précise de si le public aime ou n'aime pas les programmes proposés par l'RTBF. Et alors, le quatrième point qui est le plus important, donc voulu dans cette carte blanche, c'est qu'il conviendrait aussi de proposer au niveau fédéral une refiscalisation des investissements publicitaires au bénéfice de notre audiovisuel public belge, ce qui plairait assurément à la communauté flamande qui manque de moyens pour la VRT, puisqu'il n'y a pas de pub, et on ne voit pas très bien pour quel motif démocratique les investissements publicitaires qui avoisinent les 3% du PIB ne sont pas soumis à l'impôt. En fait, ce qu'il y a, c'est que les sociétés qui achètent de la pub, pour leurs impôts, ne sont pas obligées de déclarer le poste publicité. Et donc, ce qui veut dire qu'en fait, les publicitaires payent moins d'impôts que le reste de la société, alors qu'ils sont tellement polluants. C'est tellement polluant dans le sens obésité, violence, etc., toute une série de choses que dégagent les conséquences de la publicité. Et donc, on demande ici qu'il y ait une toute petite taxe pour que les publicitaires n'aillent pas habiter à l'étranger. Et cette toute petite taxe permettrait, d'une part, à la VRT de continuer de ne pas avoir de pub parce qu'elle a des financements difficiles puisqu'elle n'en a pas, et permettrait de supprimer partiellement la pub à la RTBF. Partiellement, je dis, puisqu'il y a aussi tous les autres points que je dis avant qui vont faire des économies. Ce texte énumère quatre sources de financement alternatif ou d'économie à envisager en cas de suppression de la publicité pour permettre à la RTBF de continuer à vivre dans des conditions économiques sereines. La question que je pose aux hommes politiques et à vous, mais on verra après, les considérez-vous comme des pistes intéressantes? On passe au point 2. Donc de nouveau un slogan des gens qui veulent le maintien de la pub à la RTBF, c'est « Jamais les citoyens ne seront d'accord pour compenser le manque à gagner financier causé par la suppression de l'apport publicitaire à la RTBF ». Quelques hommes politiques affirment qu'il est impossible de supprimer la publicité à la RTBF car le public, donc nous ne voudrons jamais compenser le manque à gagner qui en résulte. Mais constatez, jamais ces hommes politiques ne citent le chiffre que cela nous coûtera. Donc ils sont toujours dans la simple déclaration pour qu'on parle d'un autre sujet. « Ah ben non, jamais le public voudra payer. » Mais ils ne disent jamais combien ça va nous coûter en plus. Alors si ça nous coûte 1 euro ou 50 euros, il y a quand même une différence, non? Alors calculons. La dotation annuelle de la RTBF est de 249 millions d'euros. Celle-ci revient par année à chaque citoyen de la Fédération Wallonie-Bruxelles environ à 47 euros. Donc on ne paye pas une télé-redevance, mais nos impôts financent la Fédération Wallonie-Bruxelles qui, elle, paye la RTBF et ça équivaut pour les Bruxellois et les Wallons francophones à environ 47 euros par mois pour le moment. Et en plus, il y a les 20% de pub. Ces recettes publicitaires, elles, sont de 74 millions, dont 43 pour la télé et environ 28 pour la radio et le reste pour Internet. La plupart de ces chiffres proviennent d'un article paru dans Sud Presse, à Bruxelles, c'est la capitale, et... est-ce beaucoup? Avec ses 47 euros, la RTBF, avec les publicités, revient aux citoyens, en fait, moins cher que ce qui se passe dans plein d'autres pays ou régions, avec une seule exception, en Flandre. En Flandre, ce n'est pas 47, mais c'est 43 euros par an, en moyenne. Mais alors, les autres pays voisins, donc comparables en Europe, la moyenne, ce n'est pas 47 pour nous, mais la moyenne, c'est 67. Et alors, en France, c'est bien plus élevé. C'est pas 47, mais c'est 139 par an. Et avant le Brexit, c'est en Grande-Bretagne environ 164 euros. Je vous ai parlé de la Suisse. Eh bien, pour la Suisse, c'est bien pire. C'est 390 euros par an que les citoyens payent. 390, alors que chez nous, c'est 47. Donc vous voyez l'énorme différence qui existe. Et malgré que c'est aussi fort, je vous rappelle que 72% du public a demandé qu'on continue. Donc c'est quand même intéressant, ces chiffres. Je ne crois pas qu'on vous les a souvent montrés, ces chiffres. Donc, si on supprimait la pub à la RTBF, la Fédération Wallonie-Bruxelles devrait refinancer les 74 millions de dotations. Non, pas exactement. Car si on part de l'idée que nous sommes intelligents et que si on se passe des annonceurs, c'est justement pour supprimer et ne plus financer tous ces programmes mis à l'antenne et qui ne correspondent pas vraiment aux priorités de service public, on va faire toute une série d'économies non négligeables. On aura d'autres programmes qui coûteront moins cher à faire parce qu'il ne faut pas de paillettes, etc. Parce que les programmes voulus par la pub sont des programmes qui, en général, sont très onéreux. Sans publicité, la RTBF se construira donc tout autrement et se métamorphosera, peut-être. Bien entendu, si cette suppression de la pub est un préalable indispensable, il faudra également faire évoluer fortement le vieux dinosaure de notre paysage audiovisuel. Il n'y a pas que la pub, hein, même si on parle que de ça aujourd'hui. Il faudra diminuer considérablement la bureaucratie, il faudra transformer la composition du conseil d'administration qui est composé uniquement d'hommes politiques alors qu'il y a dans plein d'autres pays ou régions des représentants de citoyens, etc. Revoir certains salaires plus élevés de la direction. Il faut savoir qu'à la RTBF, le directeur des radios, qu'on a été chercher chez RTL TVI, a un salaire plus élevé que le premier ministre fédéral. Donc, M. Louis gagne moins que le directeur des radios de la RTBF. Donc, quand on parle de salaire, quand Philippot est arrivé, en fait, il a multiplié les directeurs et il a donné des salaires hyper élevés à tous ces directeurs. Donc là, s'il y a un autre fonctionnement, c'est un des postes aussi où on va gagner l'argent. Il faut favoriser l'évolution de certaines mentalités aussi. Il ne faut pas oublier de tenir dans le calcul les quatre propositions détaillées dans la carte blanche dans le point 1. Donc partons, avec toutes ces économies qu'on va faire, du constat que les 74 millions de la pub peuvent être ramenés de moitié grâce à tous ces autres financements et la taxe fédérale, etc. Et donc, effectivement, il y a encore un manque à gagner de la moitié de 74 millions. Donc, le public, d'une façon ou d'une autre, devrait payer 37 millions manquants. Et donc, ça veut dire que c'est l'équivalent pour chacun d'entre vous, à Bruxelles et en Wallonie, d'un quart d'une tasse de café dans un bistrot pas cher par mois. Alors, est-ce que c'est un obstacle si énorme que vous diriez « non, on veut le maintien de la pub ». Donc, en faisant ça et tout le reste avant, l'RTBF a autant d'argent qu'autrefois et sans pub. Et donc, plus aucune pub, plus aucun sponsoring. Donc, la menace du politique qui dit « mais on ne peut pas parce que le public ne voudra jamais payer », il n'a jamais dit que c'était aussi peu et il ne nous rappelle pas qu'en Suisse, vous avez vu combien c'est beaucoup plus élevé et que le public a dit oui. Donc ça devrait faire réfléchir dans ce point-là, qui est l'un des points capitaux qui permet aux hommes politiques de ne pas supprimer la pub. Troisième point, de nouveau, qu'est-ce que disent les gens qui veulent le maintien de la pub ? Sans publicité et donc sans audimat, vous allez imposer la culture au prime time. Quasi plus personne ne regardera la RTBF. Vous n'êtes que des bobos qui ne veulent que la télé que pour vous uniquement. En fait, ce qui manque surtout en premier rideau, dans la télé, ce sont des émissions sociales au sens large. Donc, de vrais programmes d'information pour les consommateurs, comme feu, carte sur table ou autant savoir, par exemple. Des programmes qui ont toujours été publicités par le public, et particulièrement en temps de crise. Donc, en fait, c'est ceux qui sont pour le maintien de la pub qui disent « Oui, mais on va mettre que de la culture sur la une, personne ne va regarder. » Moi, j'ai jamais dit qu'il fallait mettre de la culture sur la une tout le temps. Hein. Ce qui a disparu au fil des années, c'est des émissions sociales. Et c'est ça que le public aime, des vraies émissions sociales, et pas ces talk shows sur du faux consumérisme et autres, présentés par des présentateurs populaires ou populistes, je ne sais comment il faut les appeler. La suppression de la pub peut même devenir un accélérateur d'audience. C'est pour répondre à une question sur la pub et le sport, car une majorité de public a de plus en plus horreur de la pub. Et alors, il y a un exemple concret de ce fait, mais qu'on ne rappelle jamais. Il y avait une émission à la RTBF au Prime Time le mercredi soir qui s'appelait L'Hebdo. L'Hebdo, c'était l'ancêtre de Questions à la Une. C'était l'émission qu'il y avait avant Questions à la Une. Et elle était diffusée donc à la fin du tunnel de pub qui suit le JT de 19h30, donc comme maintenant. Mais pendant deux saisons, c'était quand il y avait le prédécesseur de Jean-Paul Philippot, qui dirigeait la RTBF. Pendant deux saisons, donc il y avait moyen de vérifier une série de chiffres, pendant deux années, cette émission, donc, qui s'appelait L'Hebdo, a pris place dans le corps même du JT de 19h30. Donc il y avait le JT de 19h30, et vers la fin du JT, il disait « Maintenant, il y a l'émission L'Hebdo ». Et en fait, le présentateur du JT, que vous connaissez bien, de Brigotte, allait à la cafétéria et une heure après, il revenait. L'émission L'Hebdo se terminait. On revoyait de Brigotte qui disait « c'était L'Hebdo » et maintenant nous terminons le journal télévisé de 19h30, générique et fin de l'émission. Donc, ils avaient intégré quasi une heure de reportage dans le JT lui-même. Mais non, on a les chiffres, ce qui est extrêmement rare, de cet hebdo où c'est JT, tunnel de pub, l'hebdo, et pendant deux ans, l'hebdo dans le JT, donc sans pub. Donc on sait voir combien de personnes, puisqu'à cause de la pub, il y en a eu en plus ou en moins. Et le résultat est que cela se marqua une augmentation en moyenne de 100 000 téléspectateurs chaque semaine, ce qui montre combien la pub fait fuir les gens. Et donc qu'un service public, par la suppression de la pub, gagne 100 000 personnes en plus chaque semaine en moyenne, c'est à prendre en compte dans une décision de supprimer ou pas la pub. L'évolution des programmes est rapide et flagrante au prime time de la Une. Au cours, ça je vous l'avais dit tout à l'heure, au cours de la semaine de l'arrivée de Jean-Paul Philippot à la direction de la RTBF, mi-février 2002, on décompte 5 débuts de soirée vers 20h15 sur la chaîne Amiral, donc c'est la Une, avec des programmes plutôt socio-économiques et 2 consacrés au divertissement. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui nous est programmé. 2 soirées plutôt sociales avec Questions à la Une et Le Jardin Extraordinaire, et 5 soirées qui sont consacrées aux séries, films, humour et The Voice. S'il faut bien entendu du divertissement, je ne suis pas du tout opposé au divertissement, sa présence actuelle n'est-elle pas exagérée et ne se fait-elle pas au détriment d'autres missions aux heures de grande audience sur les chaînes amirales, donc c'est la 1 et la 2, comme par exemple les émissions qui maintenant passent à l'ombre, c'est les émissions sur l'information et sur l'éducation permanente, mais qui sont pourtant des obligations de la RTBF. Estimez-vous que la suppression de la publicité, avec ses conséquences sur l'évolution du contenu des programmes, développera ou non, d'une part, le nombre de ses auditeurs et téléspectateurs, donc des audiences, et augmentera, d'autre part, le degré de satisfaction émis par ceux qui regardent ces programmes, donc le Calimat. Et le dernier point qui répond à une question à laquelle je n'ai pas répondu en disant que c'était dans l'un des points. Ceci répond d'une certaine façon. Oui, si c'était efficace, si ça avait changé les programmes dans les pays, c'était vous. Et voilà un exemple de que ça n'a pas changé. Et pourquoi ? Donc, de nouveau, ceux qui aiment la publicité, le maintien de la publicité diront « supprimer la publicité ne changera rien ». Comme le prouve l'exemple de France Télévisions, donc France 2, France 3, France 4, France 5, où elle est interdite après 20 heures depuis 2009. Le 8 janvier 2008, le jour même où le président français Nicolas Sarkozy annonçait cette réforme, Marc Moulin, je ne sais pas si vous connaissez Marc Moulin, pour moi c'est un des plus grands penseurs belges, il est mort maintenant, c'est un des plus grands musiciens belges, il a été producteur de Lio à l'époque, il a participé à l'Eurovision avec un groupe belge chantant la chanson Eurovision. Il était présentateur à la RTBF, il était un des animateurs de la Semaine Infernale. Donc en fait, il était à la fois musicien, producteur d'émissions, animateur, humoriste. Et il avait pendant 7 ou 8 ans dans Moustique une page chaque semaine qui s'appelait Humeurs, et qui était une sorte de philosophie populaire. On vient de fêter les 10 ans de sa mort, célébrer les 10 ans de sa mort par toute une série d'activités le mois dernier. Pour moi, c'est un modèle. Ben voilà, donc, et en fait il a fait la préface d'un de mes bouquins sur la RTBF, et donc à l'époque, le jour où Sarkozy a annoncé, alors que personne ne s'y attendait, qu'il voulait qu'on supprime la pub après 20h sur France 2, France 3, ce jour-là, Marc Moulin m'a envoyé un courriel en disant qu'il ne croyait pas au succès de cette situation, de ces propositions, car pas mal de responsables de France Télévisions étaient génétiquement modifiés par la pub et allaient se demander quoi faire d'autre que de l'audience et de devenir connus. J'ai ce texte manuscrit de lui. Et donc c'est le jour, donc il s'est passé, c'était il y a longtemps. Je crois qu'il a eu tout à fait raison et que donc la suppression de la pub à France 2 et à France 3 n'a pas fonctionné, notamment, principalement, parce que les gens qui y travaillaient sont tellement drillés à l'audience et aussi à la célébrité. Donc, tous les matins, dans l'ascenseur, il y a les résultats. Et « Ah, moi, je suis plus fort que toi, tu as vu mon audience. » Donc, c'est plus une course. Qu'est-ce qu'on fait pour informer le public ? C'est « Moi, je suis le plus fort. » Et que sur des années et des années, ça, c'est une drogue dure, en fait. Et il est difficile de s'en séparer. Et donc, selon Marc Moulin, jamais fonctionnerait la suppression de la pub si on ne fait pas de la formation des animateurs qui sont là tellement qu'ils ont été mal éduqués pendant des dizaines d'années dans leur concret à cause de cela. Et en fait, de fait, de nombreux accros, par la suite, ont tout fait pour tenter que la pub sur France 2 et France 3 revienne. Et encore ces dernières semaines, la nouvelle patronne de France Télévisions doit lutter contre le gouvernement de Macron parce qu'elle veut qu'on remette la pub sur France 2 et France 3 en soirée et que le gouvernement Macron ne veut pas. Donc les gens qui travaillent sont obsédés par la pub pour pouvoir faire de leur nez en disant « je suis le premier à l'audimat ». Donc ce n'est pas pour qu'il y ait beaucoup de monde qui regarde, c'est pour qu'il dise « t'as vu, il y a énormément de gens qui me regardent ». Et donc il faut tenir compte de ce fait-là si on veut faire évoluer les mentalités. Il ne suffit pas de supprimer la pub, il faut faire évoluer le personnel pour qu'il soit plus obsédé par ça. Et donc l'erreur volontaire, et d'autre part, l'erreur volontaire ou pas du président Nicolas Sarkozy, c'est qu'il n'a pas aussi supprimé le sponsoring après 20 heures. Et en fait, les gens qui aiment tellement la pub et qui sont restés aux manœuvres ont transformé sur France 2 et France 3 la suppression de la pub par la naissance de courts programmes, parce que ça permet de mettre un sponsor avant et un sponsor après, et ce n'est pas de la pub, le sponsor. Ils ont multiplié, et ça se voit sous Arte maintenant, les bandes annonces des programmes. Avant, on avait une seule bande annonce. Maintenant, vous avez deux ou trois bandes annonces, parce que dans la bande annonce, on mentionne avant et après le sponsor du programme qu'on va voir le jour suivant. Et donc, toute cette tactique a permis de multiplier la présence de marque et faire en sorte qu'on ait de nouveau 20 minutes de pub, mais qui n'est pas dans les termes légaux de la pub, mais qui est du sponsoring. Et donc, il y a ce tel besoin de pub dans les travailleurs des médias, qu'il faudra aller beaucoup plus loin et qu'il faut non seulement supprimer la pub, mais également supprimer le sponsoring, parce que le sponsoring, bien sûr, influence autant les choix des émissions, etc. Et selon moi, la situation en France ne s'est pas bien passée. Et là, vous avez les raisons pour lesquelles elle ne s'est bien pas passée. Et donc, il faudrait alors effectivement non seulement se battre en Belgique pour qu'il n'y ait plus de pub, mais non plus de sponsoring. Parce que, et je termine par là, et c'est pas dedans, il y a, en fait, ce que fait France 2 et France 3, ça imite un peu ce que la RTBF a fait il y a 15 ans, et qu'on ne rappelle jamais. En fait, il y a 15-20 ans, il n'y avait pas de publicité à la RTBF. Et il y avait de la pub sur RTL. Donc, quand l'homme politique a dit « on veut de la pub à la RTBF », il a dû négocier avec RTL, qui était très fâché. Et donc, ils ont négocié que, et c'est unique au monde, c'est que chaque fois que la RTBF passerait de la pub, il y aurait une partie des bénéfices de la RTBF pour cette pub qui serait ristournée à RTL. Et ça a duré une bonne dizaine d'années. Et donc, la RTBF, qui ne voulait pas donner une partie de ses bénéfices publicitaires à RTL, parce que ça la faisait chier, bien sûr, elle devait travailler pour trouver de la pub, et RTL foutait rien, elle recevait une partie de sa pub. Et donc, qu'est-ce que la direction de la RTBF a fait? Ils ont créé à l'époque des mini-programmes. Donc, c'était avec Gueuluc, etc., des petits programmes, les meilleurs mots de langue française, etc., la météo de demain, la météo de l'été, la météo des pays africains, la météo des pays chinois, puisqu'il y a une multiplication des météos. C'est une multiplication de météo qui a tout azimut partout. C'est simplement pour multiplier la diffusion des sponsors autour. Hein. C'est pas pour vous faire plaisir. Hein. Vous avez besoin de 5 météos en été sur France 2 ou France 3. Hein. Et donc la RTBF est devenue championne des mini-programmes pour mettre un sponsor avant et un sponsor après, parce que le sponsoring n'est pas la publicité, et donc il pouvait garder 100% de l'argent pour lui et pas en donner une petite partie à RTL. Et donc ça, c'est un élément historique complètement ahurissant. Qui montre qu'il faut certainement supprimer le sponsoring, sinon la RTBF, elle va supprimer la pub, mais elle va mettre des tunnels de sponsoring, de bande-annonce, etc., qui dureront tout autant. Voilà. Si vous voulez rester un peu plus longtemps, moi je suis d'accord, si vous devez partir, voilà. Vous avez des questions, vous avez des réactions? Qu'en est-il du placement de produits? C'est plutôt une réaction. Après 2 heures, je comprends un peu mieux votre démarche qu'au début, donc voilà. non, mais je voulais dire. Ouf, quoi. Mais j'espère surtout vous faire réfléchir. Mais j'espère surtout. Voilà. Alors, le placement de produit. Pour moi, le placement de produit est pire que la pub, parce que la pub, vous pouvez zapper. Donc, les publicitaires se sont dit, mais à quoi ça sert si les gens ne regardent pas la pub et on perd un maximum d'argent, c'est dégoûtant. Et donc la meilleure façon de forcer le public à ingurgiter de la pub, c'est de la mettre dans un programme. Parce que vous ne pouvez pas zapper dans un programme lui-même. Vous pouvez zapper à la fin d'un programme, mais pas dans un programme lui-même. Et donc, le placement de produit a été adopté par l'Europe, mais la Belgique a été l'un des meilleurs élèves. Donc, au niveau européen, les différentes régions ou nations peuvent mettre du sponsoring. C'était sur le sponsoring. C'était sur le placement de produit. C'était le placement de produit. Donc, l'Europe a voté il y a quelques années le fait que les chaînes peuvent mettre du placement de produits. Immédiatement, la RTBF a été, dans tous les pays européens, je crois, le deuxième à décider de le faire, en Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais en plus, à la RTBF, on a décidé d'en mettre beaucoup plus, dans beaucoup plus d'émissions qu'en France. Et donc, vous avez un exemple très précis. Par exemple, à la RTBF, il peut y avoir du placement de produit. Donc le placement de produit, c'est voir une marque qu'on met dans l'émission. Mais c'est très dangereux parce que les gens qui produisent les émissions vont inventer des contenus d'émissions en pensant à tel sponsor qu'ils connaissent pour le mettre dedans. Donc ça évolue vraiment sur le contenu. Parce que comme vous devez avoir plus d'argent, si vous n'avez pas de sponsor, vous êtes en déficit. Donc vous inventez des rubriques ou des façons, etc. Et ça se voit dans The Voice. Parce qu'en Belgique, le placement de produits est possible partout, sauf dans les journaux télévisés. Donc c'est même pas les émissions d'information. Ça veut dire que, par exemple, dans Question à la Une, il pourrait y avoir du placement de produits. Donc uniquement dans les journaux télévisés et dans les émissions pour enfants. Donc on dit qu'il y en a partout sauf. En France, on dit l'inverse. En France, il ne peut y avoir de placement de produit que dans quelques émissions. Et ailleurs, il ne peut pas y en avoir. Donc en France, il ne peut y avoir du placement de produit que dans les fictions et dans les... que je ne me trompe pas. Et dans les clips musicaux. Ce qui veut dire que dans The Voice Belgique, il y a du placement de produit, mais en France, sur TF1, le placement de produit est interdit dans The Voice. Donc vous voyez à quel point on peut... Et alors la différence, c'est que au début de The Voice en Belgique avec le placement de produit, il y avait une beaucoup plus grande importance dans, comment on appelle ça, la chambre où vont les candidats prévoir chanter pour avoir les mails, etc. Ils vont dans une chambre comme ça. Parce que le sponsor était là. Tandis que comme il n'y a pas de sport en France dans The Voice, cet aspect dans la scénographie est beaucoup moins important. Donc vous voyez qu'il y a une influence dans les contenus. Alors, donc le placement de produit est beaucoup plus important chez nous que chez nos voisins. Donc c'est significatif. Mais lors du précédent contrat de gestion, donc celui qui arrive à terme, celui de 2013, en fait, le contrat de gestion de l'RTBF se signe entre le gouvernement et le conseil d'administration de la RTBF. Et ça dure un an, toute la préparation, et puis un jour même, ils doivent signer. Et à l'époque, dans le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y avait Écolo. Et dans le gouvernement Écolo, il y avait Jean-Marc Nollet. Moi, j'appartiens à aucun parti politique et j'essaye de trouver des gens intéressants dans tous les partis politiques pour faire avancer les choses. Donc je peux vous dire que, par exemple, j'ai dîné dans son bureau seul à seul deux fois avec Jean-Marc Nollet dans les mois qui ont précédé. J'ai réussi en faisant de... Je vous explique ça concrètement, hein, j'ai aucune gloire à ça, mais j'ai réussi à sensibiliser le Conseil de la jeunesse, qui est une organisation importante, et la Conseil de la jeunesse a demandé la suppression du placement de produits. Et donc avec tout ça, le jour de la signature du contrat de gestion, Jean-Marc Nollet a dit « Écolo ne signe pas le contrat de gestion aujourd'hui, et il fallait, parce qu'il devait rentrer en activité trois semaines plus tard, si on ne supprime pas le placement de produits à l'RTBF ». Et c'était une journée où, à Reyers, ils étaient hyper fâchés. Tout le gouvernement était fâché sur Nollet de l'autre côté. Ils étaient en contact téléphonique. Et finalement, il a tenu ferme. Et donc, le placement de ce produit a été supprimé du contrat de gestion de 2013. Mais Écolo a été renvoyé dans l'opposition un an ou deux après. Et trois mois après qu'Écolo a été renvoyé dans l'opposition, le nouveau gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a remis le placement de produit dans le contrat de gestion et a remis le placement de produit. Vous voyez que politiquement, ça se joue. Et voilà. Et donc, à cause du gouvernement actuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, vous êtes obligé d'ingurgiter des marques quand vous regardez les émissions. Et j'espère que vous allez être nombreux à signer, à mettre vos adresses. Comme ça, vous aurez après-demain ma newsletter que je dois terminer maintenant. Il y aura 11 points différents. Alors, sous les quatre questions que j'ai posées, les quatre dernières, en fait, j'ai demandé au ministre des Médias de répondre à ces questions, et ça fait 3 mois qu'il refuse de répondre à ces questions. Ça vous montre le style. Et c'est un des points dans la lettre. Mais dans la lettre que vous recevrez demain aussi, comme il y a le nouveau contrat de gestion qui va arriver, en fait, je vous renvoie à une page où j'explique au fil des différents contrats de gestion de ces 20 dernières années quelles ont été les conquêtes du public à chaque fois, ce qu'il a réussi à faire passer de mieux pour le public dans les contrats de gestion. Donc ça vous donnera une idée. Et dans 3 semaines, vous verrez dans la presse écrite le prochain contrat de gestion de l'RTBF. Revoyez ce qui a été gagné, et je crains qu'il y ait très peu de choses de gagner cette fois-ci, mais comme ça vous pourrez comparer, et donc vous verrez aussi que ce genre de texte, c'est vraiment très très important et très influent en fait. Voilà.